Et voilà, donc rebonjour à tous, 2h58 et on vient de s'écouter. Je voulais le dire, Placebo, c'est le nouveau single et c'est la phase B du single et puis il s'appelle, Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon cul. Voilà, d'accord. Sur Fun Radio. Okay. Sur Fun Radio, on met son doigt dans son cul. Ouais. Voilà. Donc il est 2h58 et vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. On vient de nous préciser que sur Skyrock Energy, on mettait également son doigt dans son cul. Donc excusez-moi, pour j'ai fait une petite erreur d'exclusivité. Toute la bande FM met son doigt dans son cul, excusez-moi. Alors donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Et toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Et on me dit que sauf RFM. Bon bah c'est bon. Ils mettent longue, mais ils osent pas dans les jeux. Ils mettent une capote. On met des capotes, faut peut-être en donner aux gens qui vont venir. Ça c'est important parce que si tu veux qu'on fasse un débat un jour sur les capotes, on va pouvoir parce qu'il y a des trucs à dire là-dessus aussi. Toi t'en as besoin là-bas. Toi t'as dû être en manque pendant les vacances. D'accord, vas-y. Vas-y, accouche. Accouche. Ouais, ben, pas avec toi. Donc, sur l'IRC, il y avait... Il y a du monde. Vas-y, enchaîne le débat, Jean. Alors, donc, on va accueillir Pipo. Comment il parle, tu te laisses faire? Non, mais attends, il va me parler gentiment, lui, à côté, là. Vas-y. Alors, fais ton débat. On va accueillir Pipo, 18 ans, de Goussainville. On peut écouter Fun Radio sur 101.9. Salut, Gérard. Salut. Poussin, 20 ans, de Brest. Salut, Gérard. Voilà, et tu parles un peu plus fort, s'il te plaît, merci. Gérard, on m'entend là? Non, on cherche des fiches. Allô, Gérard? Commencez pas au standard. Hein. Gérard. Oui, je t'écoute. Tu m'entends, là, Gérard? Bon, ça va. Gérard. Oui. Là. C'est qui? Oh! Eh, mais c'est quoi, là, ce bordel? C'est au standard, je crois. Ah, là, Gérard, allô? Allô. Olivier, tu vas pas commencer comme ça, hein. Allô, Gérard? Bon, Poussin, ça y est. C'est quoi, ce bordel, là? J'entends rien du tout. Allô, Gérard? Poussin! Oui. Poussin une fois. Oui, c'est moi. Bon, ça y est. Ouais. On écoute Fun Radio sur quelle fréquence? 82.8. Oh ben, je demanderai tout à l'heure. Fingère. Fingère. Finger. Finger, Gérard. Ouais, Finger. Finger, t'es d'où? Ouais, je suis là. Je suis de Broutignolles-les-Croutons. C'est où ça? C'est dans le 07. Et on écoute Fun Radio sur quelle fréquence? 2,5. D'accord, bon... 02.5. Bon, Manu, tu vas me surveiller un peu les fréquences. Je les surveille, hein, j'ai Suzon. Oui. Rebonsoir. Rebonsoir. Et Lito. Bonsoir, Gérard. Oh, et celui qui s'amuse à ronfler, il va ronfler, mais pour de bon tout à l'heure. Alors, première question, c'est un débat sur les fantasmes. Auriez-vous des fantasmes avec des hommes? Si vous en êtes un, ou vice-versa, on va demander... Poussin. Oui, je voudrais bien avoir des relations avec des hommes avec du sexe en plastique. C'est-à-dire? Avec des trucs, avec des pics... Il y avait du soleil, toi, t'es allé à la mer, non? Ah. Oh, mais ça va pas ou quoi, là? Ton débat. Et Gérard, tu vas me taper sur Manu, quoi. Oh, mais c'est pas votre débat, c'est le débat de Gérard. On parlait pas du débat, on se racontait nos vacances. Donc on aimerait bien. On avait pas vu qu'il était là. Vous voyez rien. On aimerait bien, Gérard, moi et Rigaud, que vous suiviez un peu le débat et que vous bossiez correctement parce qu'on n'est pas venu là pour ça. Avec le micro éteint. Pas trop le malin. Avec le micro éteint. D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Parce que nous, on peut se casser. Bossez les mecs un peu, ça. C'est répondu. Allô. Allô. Non, ça va mal finir, hein, les deux. Vous me gérez là. Oh là là. Il Allô. Je sens que ça va taper. Allô. Bon, Pinger. Ouais, ben moi. Allô. Vice versa, tu veux dire devant derrière quand tu dis vice versa? Auriez-vous des fantasmes avec des hommes si vous en êtes un ou vice versa, c'est-à-dire. Recto verso. Ça veut dire recto verso. Bon, qui c'est? Alors là. Ça sonne chez qui? Ça sonne chez quelqu'un. Là, ça commence à. Ah, c'est chez moi. Bah, allez voir qui c'est. Bon, alors là, Olivier, tu rebranches le standard correctement, d'accord? Ah, oui, merci. Bon, c'est pas le standard, merde. Voilà. Gérard, poursuivant pendant. Bon, alors, on va demander Finger. Ouais, ben je te dis, si c'est vice versa, c'est recto verso, il n'y a pas de problème. Ok, alors, sinon. Oui, alors. Alors, celui qui a un bip commence à me les casser. Ouais. Ouais, Gérard. Oui. T'es suçon. Ouais. La question était à savoir si j'avais des fantasmes, c'est ça? Auriez-vous des fantasmes avec des hommes, si vous en êtes un, ou vice-versa? Oui, alors moi j'ai plein de fantasmes avec les hommes, les femmes, les chiens, les singes, tout ce que tu veux. Même les Gérard. Bon, alors celui qui s'amuse à dire ça va dégager dans peu de temps. Ça va aller vite, on a que deux mecs, c'est-à-dire Finger ou Poussin. Ouais, donc un des deux. Si vous continuez, vous allez dégager, ça va aller vite fait pour moi, pour vous. Hein. Et y a moi aussi, y a alors, Pierre. Lito. Oui. Lito, pour toi. Moi, j'ai des fantasmes avec les hommes. D'accord. J'aime l'homme et j'aime le sexe masculin. D'accord. Et Pipo? Bah, disons que moi, je préfère avoir des expériences avec un homme. Ouais. Et en avoir avec plusieurs hommes. C'est-à-dire? Bah, je préfère faire ça avec un seul homme que faire ça avec plusieurs. Okay. Et puis même faire ça avec plusieurs femmes. Hein? Pipo, c'est pas quelque chose qui me tenterait. Et de faire ça avec plusieurs femmes? Oui. Oui, enfin si. Oui, de faire ça avec plusieurs femmes ou de faire ça ou même de faire ça avec plusieurs plusieurs hommes. D'accord. Ah bah, c'est moi, pas quelque chose qui me tenterait. Non mais moi tu vois, moi je préfère ça avec une femme qu'avec un mec parce que. Avec Sandy. C'est quoi la différence, Gérard? Ouais, moi je préfère faire ça avec une femme, c'est tout. Donc ça veut dire que t'as déjà goûté à l'homme. C'est ça, c'est chacun pour soi. Hein. Voilà. Mais c'est quoi? Est-ce que tu peux me dire la différence? La différence? De quoi? Bah, parce que je préfère ça avec une pomme, c'est plus meilleur. Ça veut dire? Bah, on a plus de fantasmes avec une femme qu'un homme. Ah, c'est pareil alors, c'est que t'as déjà essayé donc. Non, mais de toute manière, ça me dit rien du tout, je préfère faire ça avec une femme. Et dimanche, t'as pas essayé dans tes toilettes par hasard? Non, arrête tes conneries. Bah, pour l'instant, tu vas essayer de me gérer. Qui c'est qui s'amuse à avoir un bip parce que ça commence à m'énerver là. C'était ta montre tout à l'heure, hein, Gérard. Donc. Non, c'est pas ma montre qui sonne là. Appuie. Alors, oui. GG, c'est Pierre. Est-ce que tu aimes te faire ramener la turbine à choc? Ah, c'est bien. Ça y est, coupé. C'était lui qui avait un bip. Bah ouais. Et toi? Bah moi, je viens de dire que je préfère ça faire okay, ça avec une femme. Question. Alors, deuxième question. Quel est votre fantasme le plus drôle que vous avez, que vous auriez fait? On va demander à Susson. Susson, bah, le fantasme le plus drôle, bah, c'est qu'un jour, j'ai rêvé que je faisais l'amour sur un Solex. Un Solex. Attends. Non, mais attends. On va demander aux autres et après je pense que Pipo il va n'a pas. Non mais ça va. Et qui c'est qui s'amuse à se brosser les dents pendant que je parle aussi? Moi je brosse lui. T'as rien la grosse envie. Tu me dégages la Pinger et Poussin. Allez, Pinger Poussin, vous me le dégagez. C'est le bordel depuis que je suis là. Rien dit, Poussin il a rien dit. Allez hop. Olivier, tu dégages Pipo. Ouais, tu dégages. Je suis devoir au standard. C'est ça, hein, Gérard. Excuse-moi, j'ai dégagé Pipo et Finger. Ouais, ben. Moi, je dégage tout le monde. Gérard, je peux répondre. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, Olivier? Alors, c'est bien. T'envoies un disque et. Ouais. J'ai rien de prévu, Gérard. Je peux rien faire. Mais t'envoies, il a dégagé tout le monde. Mais non, Gérard. Gérard, on est là. Je suis là aussi. Bon, alors déjà, pour commencer, celui qui s'amuse à se brosser les dents et qui vient de dire la grosse Sandy va commencer par fermer sa gueule. C'est pas grave. Parce que sinon... C'est pas grave. Ouais, stop, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là. Celui qui recommence, c'est-à-dire entre Finger et Poussin, je vous préviens d'une chose. Non, mais de toute manière, c'est jamais personne. C'est un mec qui dit ça, mais... Ok. Alors, je reprends. Quel est votre fantasme le plus drôle que vous auriez fait? Alors, on va redemander à Susan. Oui, alors je disais que... Dans quel sens? Allô? Allô? Je t'écoute. Oui, donc j'aimerais bien faire l'amour sur un Solex. Non, d'accord. Ah ouais, toi, c'était sur un Solex. Lito? Ouais. Bah, comment? Moi, c'était un fantasme. En fait, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps. J'ai fait l'amour dans une piscine de boules. Hein? Tu sais, une piscine de boules. Attends, hé, hé, hé, Lito. Oui. Tu parles un petit peu plus fort, s'il te plaît. Oh là parce là, quel salaud. Oui. Parce que j'ai l'impression que t'es à moitié endormi. Non, et que t'es en train de te toucher. T'es en train de te toucher le clito. Alors, je vais te dire une chose, Lito. Alors, je vais te dire une chose, où tu parles plus fort. Oh, la chienne, elle aime ça. Hein? Où tu parles plus fort à celui qui s'amuse à dire « Oh, la chienne, elle aime ça, c'est moi qui m'en occupe. » Où tu parles plus fort, où tu parles haut. Tu seras jalouse, hein. Et Lito, où tu parles plus fort, ou sinon tu vas aller voir Manu au standard, il va te choper encore plus que moi. Je te disais que j'avais fait l'amour dans une piscine de boules. Alors, c'est-à-dire? Une piscine de boules, c'est une piscine remplie de boules en plastique. Ah ouais, et alors, si t'en prends une dans la tête, ça fait quoi? Tu la prends pas dans la tête, puisqu'il la prend dans la bouche, tu rentres en fait dans les boules, quoi. Plus tu... Ah ouais, ah ouais. Non mais attends, on va demander en même temps à Pipo. Elle est là, la grosse Sandy. Eh, hey, Pipo. Si maintenant t'as arrêté de tourner, toi. Ouais, Pipo, c'est moi qui t'en veux. Si je rentre dans le studio, tu vas voir, hein. Je crois qu'elle est là, hein, Sandy. Ouais, c'est bizarre. Ouais, Pipo. Hey, Pipo. Ouais, non, mais je suis là, hein. Hey, Pipeuse. Mais aussi, si on lui se parler aussi. Alors. Tu réponds, Pipeuse. Alors, Poussin, tu fermes ta gueule. Mais j'ai rien dit, attends. Et Pinger, tu la fermes. Bon, Poussin, je peux répondre? Non, attends, pour l'instant. Pipo, on n'a pas parlé à toi. Ouais, pour l'instant, qu'on se la paierait. Vous nous faites répondre, Pipo, s'il vous plaît. Eh, attends, c'est qui là? C'est qui là? C'est moi. Elle est là, la grosse Sandy? Ouais. Le problème, c'est que Sandy, elle est... il y a un problème là. Allez, Sandy, montre-nous tes fesses. Bon, allez, ça sert à rien de nous montrer ça, on a déjà vécu ça, la guerre, c'est pas bien de recommencer. Alors, je demandais donc à Pipo qui a répondu avec Susan et Lilo parce que ça nous montre son cul, c'est X-Files. Hein, c'est... Lito, ta gueule, toi. Il y a Scully qui va se ramener. Alors, je demandais. Toi, tu vas fermer ta gueule pour de bon, toi. Parce que je te jure, tu as dégagé. Il faut prendre le débat un peu plus sexe, GG. Allô. Bon, Olive. Oh oui. Vous me dégagez ça, putain. Non, mais là, c'est nul, là. C'était bien jusqu'à 3h, depuis 10 minutes, c'est n'importe quoi. Eh ben, hé. Non, mais c'est toi, c'était débat, hein. Ouais, mais attends. Hé, dans ta broutille, tu le mets au standard, monsieur, il allume les micros. Tu l'as mis au standard. Ouais, bah, il va. T'as mis Fildar à l'arrêt, t'as voulu mettre Olivia au standard. Mmh. Eh bah, Fildar, tu vas reprendre le standard. Non, Fildar. Non, mais Gérard, il faut que tu te concentres parce que là, on est obligé d'arrêter à 3h avant parce que je vais me faire engueuler. Alors, on est obligé d'arrêter à 3h parce que. Non, mais vu comment c'est pas bien, je vais me faire engueuler. Bon, alors on continue. Fais un truc bien, s'il te plaît. Donc, avant, je vais lui envoyer quelque chose dans la tranche là-bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein, tu vas fermer. T'arrêtes tes conneries, toi, là-haut. Ok. Mais je règle l'heure, là. Alors, donc, Pipo. Ouais, donc, moi, j'ai pas eu de fantasme pour l'instant, mais j'aimerais bien avoir un fantasme dans un avion. Un avion. Alors, donc, tu peux peut-être... Mais il décollera jamais, hein. Ah ouais. Tu rentreras jamais dedans. Toi, tout à l'heure, tu as décollé avec ma main dans ta gueule. Ça va pas être pareil tout à l'heure. C'est pas un gros port qu'on apprend à faire des grimaces. Hein. Ouais. Pipo, oui, tu peux te poser une question? Bah vas-y. T'as pas un autre fantasme plus... Non mais attendez, parce que pour l'instant, on va demander aux deux connards là qui nous restent. Gérard, excuse-moi, on accueille Jean-Claire aussi. À la place de personne. Oui. Allô. Il faut avoir un portable. T'as un portable? Non. Bon, bonsoir Paris, bonsoir Claude Labarussias, bonsoir Angoulême. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Claude. Eh, là, il y a un petit malaise. C'est pas moi, hein. Régler l'antenne du standard. Hey, ouais, c'est derrière, Olive, c'est toi qui t'en occupes de ça. Salut, merde. Ouais, bah attends, je règle. Hey, voilà, c'est bon. Bien. Alors, vas-y. Est-ce que tu peux... Bah, je fais ce que je peux. Oh là là. Bah, Gérard. Allez. Allô, Gérard. Mais reprends ton débat. Gérard. Allô, Gérard. Tout à l'heure, s'ils sont chiants, toi. Toi, tout à l'heure, ça va être ma main dans ta gueule. Allô, Gérard, c'est Carambar. Carambar, tu dégages. Mais non, c'est Jean-Claire. Allô, c'est Jean-Claire. Alors, s'écoute, dépêche-toi, vite fait. Est-ce que tu peux me répéter la question? Non. Standard avec Manu. S'il était avec moi. Alors, quel est votre fantasme le plus drôle que vous auriez fait? Eh ben, ce serait de faire... Enfin, moi, j'aimerais bien réaliser ça sur un flipper. D'accord, voilà. Ok. Poussin. Oh, mais révèle à ce standard ou pas? Un mec. Allô. Salut, Carole. Ouais, moi je voulais faire ça avec un mec, je voulais faire perger d'Adidas et qu'on me sodomise violemment. Ça marche ça sur un bidet. Oh putain. Et tu vas le régler comme il faut. Célèbre. Tchou tchou. La loco. Pas le nommer. Alors là tu me dégages des trois. Ça y est déjà, ça y est déjà. Hop, terminé. Donc il reste plus que Pipo. Allô? Chaque fois que je touche au standard, ça a un problème là. Je peux pas les dégager, hein, je peux plus rien faire. Pile d'art. Mets-moi un truc là parce que ça commence à me prendre la tête, ils veulent rien foutre là derrière. Charmant de pile d'art. Tout, vous saurez tout sur mon dîner. Oh pile d'art, tu travailles ou quoi quand je te demande quelque chose? Charmant de pile d'art. Pile d'art. Ah non, mais attends, là c'est une cata. Oh là là. Ça moi je dis pas, excuse-moi. Excuse-moi. On fait une réunion parce que là c'est trop bruyant. Ah ouais. Attends, l'autre il s'amuse, je lui demande quelque chose, il se fout de ma gueule. Mais j'ai rien fait, Gérard, j'écoute tes débats. Je te dis de mettre un disque parce que là ça devient la catastrophe. Mmh. Lui il pour rien. On va le dire, ouais. C'est pareil. Mmh. Non, moi je gère tout, il fait rien au lit. Attends, depuis tout à l'heure ça arrête pas de sonner. Attends, Gérard, il y a 24 lignes qui sonnent. Remarque, je me suis dit, Gérard, là il est 3h15, t'as fait baisser le rythme, là je vais me faire engueuler, il y a 17-18 lignes qui sonnent seulement. Ouais, mais attends, ouais. Attends, Gérard, pour conclure à ce que t'as dit, il y a ta sœur sur le Minitel, 3615 code fan radio, d'ailleurs, rubrique direct. Non, c'est son pseudo, ta sœur, c'est pas ta sœur à toi. Tu vois. Ah bah heureusement, parce que ça n'en est pas. D'accord. J'aime beaucoup tes débats, ils sont super bien animés ce soir. Ouais, bah ils sont super bien animés. Ouais. Avec des clowns qui rentrent de vacances, ils sont même pas capables de. Ah bah, dessins animés, ouais. Ils sont même pas au téléphone, ils me disaient la même chose. Il y en a qu'un qui bosse bien ici, c'est Rondé. Ouais, c'est moi, merci. Merci à tous. D'ailleurs, je passe un bonjour à Yankee sur l'IRC, sinon il va m'en vouloir. Voilà. Donc on revient en disant que le débat, il faut que ça se passe bien. Alors on va redonner le numéro du standard de Fun Radio, s'il te plaît, Gérard. Donc 0803 08 5000, et toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique direct. Et là, tu m'envoies un disque, on va calmer tout le monde au standard. Voilà, d'accord. Voilà, et tu t'envoies. Prochaine question, ça sera quoi quand même? On peut la poser peut-être. Et croyez-vous que les animaux ont-ils des fantasmes? Oh, c'est bien ça. Croyez-vous que les animaux ont-ils des fantasmes? Bravo. Voilà. Et t'envoies. Das fuck. Allez. Das fuck. Ah, das fuck. Das fuck. Avec Scully, X-Files. Vas-y, briefly, vas-y. Non, mais là, il y en a marre là. Vas-y. Tu me prends les mecs là, tu me leur montes le moral là, parce que c'est n'importe quoi les mecs. Poussin. Vas-y. Passe-moi Poussin. Allô. Bon, quoi? Ouais, non, tu viens pas à la radio, d'accord? Ciao. Non, il a dit qu'il vient, alors hop. Attends, tu veux bien regarder ce zappé, attends. Tu vas les retrouver, hein. On prend les auditeurs, dans 3 minutes on prend l'antenne. Bon, essaye de travailler un peu. C'est qui là? C'est qui la question? C'est qui? Ok. C'est qui là, Gérard? C'est Finger, je crois. Alors, à tout de suite. Finger, il faut qu'il se réveille. C'est les 24 qui sonnent. C'est les 24 lignes qui sonnent, Manu. Le 7. Le 7, c'est qui les auditeurs? Bah, tu sais. Allô? C'est qui les auditeurs? Allô? C'est Jean-Claire, je crois. Bon, Jean-Claire, tu travailles ou pas là? Ah ouais, parce non, que non, mais tu vas travailler parce que sinon tu. Non, mais moi je vais te dire, tu vas travailler, ok? Ah ouais, parce que sinon, qu'est-ce qu'il dit? Mais t'as intérêt de te réveiller sur les questions parce que moi sinon ça va pas aller. Hein. Ah ouais, c'est okay clair. Allez, mets leur attends vite, on va reprendre dans combien de temps, Gérard? Ouais, c'est bon? Allô? Bon, petit toi, tu travailles aussi, toi? D'accord. Ah, mais Clito, faut qu'il se remue parce que sinon, là, il excite rien du tout, Clito. Ouais. Faut qu'il s'excite, Clito. C'est vrai. Allô. Ah, c'est Pipo qui est toute naze. Allô. Pipo, faut la zapper. Bon, tu travailles un peu, toi. Hein. Faut ouais, les souffler ça. Dans les trous, hein, Gérard, pas, faut travailler plus Gérard, que ça. Hein. Tu dis à ta nana qu'elle se réveille, sinon elle zappe. Parce que... ouais, faut travailler un peu plus que ça, là, hein, quand je pose des questions. Là, il est 77. Passe-moi, Sandy. Passe-moi, Sandy, deux secondes. Attends, 5 minutes. On y va dans combien de temps? En 20 secondes. Sandy? Ouais, réveille-toi parce que les gens vont croire que c'est toi, Pipo. Après, Pipo, pour l'instant, ils savent pas que c'est toi, pour l'instant, Sandy. Mais non, ils savent pas, mais il y a un mec qui le sait, mais pour l'instant, on arrive à garder le secret, d'accord? Ok? Donc tu te réveilles et tu chauffes un peu, quoi. Est-ce qu'elle peut parler de ses fantasmes un peu? Alors réveille-toi un peu, Sandy, d'accord? Bah oui, t'es peut-être trop timide, mais il faut y aller quand même. Ok, chauffe un peu là. Bah, ils se moquent pas de toi, c'est parce qu'ils te disent la grosse Sandy, c'est pas méchant. Ouais, mais on cherche des nanas pour l'instant. Ouais, t'es un peu enveloppé, faut le reconnaître. Non, t'es d'accord. T'as trois pulls. Un petit peu, quand même, c'est ce qu'on nous a dit Gérard tout à l'heure. Dis bon, je comprends pas, elle fait la gueule parce qu'elle est un peu enveloppée quand même. Voilà. Ah bah oui, Gérard, t'as dit tiens, regarde, je te replace ta grosse. En tout cas, Gérard, il y a beaucoup de choses sur l'IRC. Allô. On passe, non, sur Sandy. Alors, bon, et on reparle là tout de suite, ok? Ça me dit. Ok? Et tu travailles, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Attends, t'as arrêté de discuter. Merde, c'est parti. J'ai arrêté de discuter. Oh là là, il a mis le disque au début, c'est bon. Il a mis le disque au début. Ah bah bravo, t'as mis le disque. Quoi? Non mais attends. Tu prends les gens pour des comptes là? Et toi, il y a le disque. Alors On parle pas sur les disques. Mais on parle pas, et t'as vu qu'il n'y a pas le remettre. Et voilà, donc toujours 3h22. 3h22. À la bourre, Olivier. 3h22. On se calme. 3h22, donc vous êtes toujours sur Fun Radio et... Gérard. Quelle heure il est, toi? Gérard. Quoi? Tout va bien? Non, c'est bon. La refait, allez. Non, vas-y, non, Gérard. 3h23 et toujours sur Fun Radio. Gérard. Gérard. Oh, arrêtez, me faites chier, là. Gérard. Quand tu fermes ta gueule, tu veux ça. Le débat, Gérard, le débat. Non, c'est bon. Okay. Assis-toi, fais ton débat. Alors, je recommence. Vas-y. Quelle heure est, Gérard? Oh merde, allez vous faire foutre. Alors, non, mais celui-là. Alors, Gérard. Allez, allez. Non. Donc, on récupère. Alors, qui c'est qu'on a? Bah, on a Pipo, Calimero, Finger, Susson, Jean-Claire et Clito. Salut, Gérard. Bonsoir. Alors, rebonsoir à Pipo. Bonsoir Paris, bonsoir Sébastien Douy. Bonsoir Monique. Susan, rebonsoir. Bonsoir. Clito. Bonsoir. Jean-Claire. Bonsoir Paris, bonsoir Sébastien Douy. Bon, tu vas pas commencer. Pipo. Pardon, oui. Pipo. Oui. Bon, elle est bonsoir. Pas réveillée, elle. Hein. Alors, croyez-vous que les... Oh, c'est moi qui commande, d'accord, Jean-Claire? C'est pas moi, c'est pas Jean-Claire. Hein. Non, c'est qui? Je sais pas. Alors, croyez-vous que les animaux ont-ils des fantasmes? Je pense que vous, c'est Pipo. Oui. Bah, je pense que les animaux peuvent avoir des fantasmes. Dans quelles circonstances? Bah, déjà, quand on va au zoo, on peut voir les animaux, enfin, faire l'amour. T'as bien vu un éléphant bandé? Ouais, Ricky Martin. Et comment tu peux savoir qu'ils ont des fantasmes? Attendez. À partir du moment qu'ils font l'amour, Attends, Pipo, je te coupe là 5 minutes. Celui qui redit Ricky Martin, il va dégager. Et ça, c'est Jean-Claire ou Finger? Ah non, c'est non, bon, non. J'ai géré, c'est pas nous. D'accord, non, c'est jamais personne. C'est le troisième, le nouveau, là. Ouais, le troisième, c'est bizarre, il y a plus que Finger et Jean-Claire. Gérard, sur IRC, il y a Yoda qui dit Ricky Martin. Qu'est-ce que je fais? Bah, tu lui dis merde, lui. Ok. Donc Pipo, donc pour toi, donc t'as dit oui. Oui, donc je te disais que les animaux peuvent avoir des fantasmes. Dès que tu les vois en train de faire l'amour, c'est qu'ils peuvent avoir des fantasmes. D'accord. On va demander Finger. Ouais, ben je crois que t'en es la preuve vivante. Bon, alors, Finger, tu dégages pour de bon. Non, tu vois, tu viens de dire que j'en suis la preuve vivante. Non, tu dégages, bonne nuit. Non, c'est bon. Attends, Gérard, t'énerve pas, il va nous expliquer. Voilà. T'as compris le travers. Oh non, bien sûr, je comprends tout le travers avec toi. Il va nous expliquer, comme ça, on verra. D'accord. L'être humain fait partie de la race animale, t'es bien d'accord avec moi. Bien sûr, on descend des singes. Donc voilà. On dit bien baiser comme une bête. Non mais attends, je vois pas le rapport avec les animaux. Bah toi je sais que t'aimes bien faire angoulou-goulou comme tu dis, donc voilà, tu baisses comme une bête, donc t'en es la preuve vivante, t'es bien vivant. Ouais mais attends, mais de toute manière, même si je dis goulou-goulou, je vois pas le rapport de baiser comme une bête. Bah, si, là je vois pas du tout le rapport. Bah si, tu baisses comme une bête, comme tu travailles pas un sanglier, un facochère, n'importe quoi, c'est pareil. Gérard, il y a Kogaf sur l'IRC qui demande s'il peut te louer Sandy pour une soirée pour réaliser son fantasme. Non. Susan. Oui, alors moi je pense que les animaux ils ont des fantasmes, mais c'est pas en faisant l'amour qu'on peut savoir s'ils ont des fantasmes ou pas, c'est dans leur tête, on peut pas savoir quels sont leurs fantasmes étant donné que les animaux ne parlent pas. D'accord, Lito, pardon. Oui, bah moi je pense que oui, et surtout les chiens. Dernièrement, je me suis fait agresser sexuellement par un chien. Alors attends. Non, c'est vrai, violent. Non, mais attends, Lito, attendez. Attendez, oh. Alors Lito. Oui. Ça c'est simple. C'est souvent qu'à chaque fois que je pose ces questions-là, tout le monde me dit « Ouais, mais je me suis fait agresser par par un animal. » Alors, tu peux m'expliquer quand est-ce que ça s'est passé ? Je te dis, je me suis fait sexuellement agresser par un chien. C'est l'odeur. Il s'est agrippé à ma cuisse et il ne m'a pas lâché. C'est l'odeur. C'est les hormones. Non, mais attends, je me demande si c'est pas parce que... Oh ! Vous allez vous calmer quand je réponds à la question. Oui. Je me demande si c'est pas parce que t'as eu Terranianya entre deux. Entre deux quoi, entre deux chiens? Non, parce que je pense qu'à chaque fois que les nanas ont leur ragnagna, à chaque fois, on entend ça. Ouais, mais je me suis fait agresser par un animal. C'est l'odeur. Pas du tout. Ah bah, moi, à mon avis, pour moi, tu vois, Lito, je pense que c'est ça. Mais Jean-Claire. Les chiens, ils aiment bien les chiens. Attends, de quoi, Lito? Non, c'était Susan. Susan, tu disais. Je dis que les chiens, ils aiment bien lécher les règles. Alors là, je vais te dire une chose. Déjà, faire des spaghettis à la bolognaise quand la nana a ses ragnagna, je vais te dire une chose que c'est pas moi qui bouffera ça. On parle pas de la vie privée. Donc, Jean-Claire. Mon chien, moi, il lui manque la parole, mais je sais à ses expressions qu'il aime bien ce que je fais, quoi. C'est-à-dire. Alors, vas-y, accouche. Mon chien, il a pas de dents, donc déjà, ouais. C'est pratique pour moi. Ouais, donc il peut pas te mordre ce que je pense. Ben voilà. Et toi, Gérard est connaisseur, hein. Non, mais moi, je vais te dire une chose que. Attends. Je lui mets des dents, ça fait des marionnettes. Non, mais attends, j'ai jamais vu un chien sans dents. Bah, le mien, il est vieux. Là, il a quel âge? 18. Ah, 18 ans. Humains sans dents. Il y a des gens qui sont sans dents, par contre. Il y a des animateurs radio sans dents. Ouais, c'est ouais. Et qui sait quand vous avez dit comme ça, comme connerie? Manu, je sais pas. Fida, peut-être. À mon avis, ça vient de là-bas. Ouais, je pense. Alors, donc, personnellement, moi, j'irai jamais. Je pense pas que les animaux. Non, j'ai pas de chien. Gérard, sur IRC, il y a beaucoup de gens qui demandent si les animaux peuvent avoir des fantasmes. Bah, entre eux, oui. Et une autruche. Bon, mais attends, une autruche, pourquoi? Parce que tu payes combien, toi? Quand tu parles d'autruche, tu mesures combien, à peu près? Ça n'a rien à voir. Bon, bien sûr, oui. Ok. Alors, donc, moi, je peux vous dire une chose, que là-dessus, je vois pas grand-chose. C'est que j'ai pas d'animaux, et puis j'ai jamais vu des animaux qui auraient fait ça entre eux. Hein. Les personnes âgées ont été jolies. Là, je suis pas sûr que tu dises véritablement la vérité. T'as jamais eu des animaux, toi? Moi, par un chat... C'est pas un animal, ça. Ouais, d'accord. Mais le chat, il est jamais venu sur moi me faire une goulou-goulou. Hein. Ouais. Gérard, t'as une petite chatte à côté. Ah bah ça, la petite chatte, ça, c'est différent. Gros chat. Gérard, c'est des gros dingues. Quoi? Attends, j'ai mal entendu, Jean-Claire. Non, c'est pas Jean-Claire. Ah non. Le dindon. Tu vois, le dindon, il t'emmerde, espèce de connard. C'est pas Jean-Claire, je t'ai dit. Jean-Claire, mais c'est juste trombe. Ah ouais, tu vas voir. Bon, carambar, je préfère. Ouais, Jean-Isabelle. J'ai entendu carambar, Manu. Manu, j'ai entendu carambar. Il a dit, je vais me filer carambar, mais il n'a pas dit, c'est Jean-Claire. Ouais, mais faut arrêter, là, les mecs. Les personnes âgées ont-ils eux aussi des fantasmes? On va demander à Jean-Claire, comme il a une grande gueule. Les personnes âgées ont-ils des fantasmes? Oui. Moi je loue chez une bonne femme. il y a 57 ans. Hein, je peux te dire que je crois qu'elle a de gros fantasmes sur moi vu que je vis tout seul avec elle. Ouais. Je paye le loyer en nature. Je paye le loyer en nature, ouais. Et une petite anecdote, tu sais, c'est que quand elle écarte les jambes, eh ben, je succombe. Hein? Je succombe. C'est-à-dire? Eh ben, je tombe. Pas d'insulte, pas d'insulte. Ah, pardon. Pas de vie privée. J'aime. Lito? Oui. Pour toi? Les personnes âgées, je pense qu'elles en ont eu, mais on voit que c'est pratique, elles n'ont plus de dents, donc c'est pratique, ouais, pour ça. Mais moi, je pense qu'elles en ont, évidemment, elles doivent, les petits pieds à terre peuvent se toucher en regardant les petites queues des filles. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah, bon, Susan. Ouais, alors, bah, oui, allez. Ouais, mais moi aussi, j'ai fait, celui qui rate, il demande pardon, ah, sinon il va se faire sauter. Pardon, il y avait longtemps. T'as la sinusite, moi j'ai la peau des couilles qui... Non, on veut pas savoir. Qui commence à me gratter. Finger. Finger. C'est bien envoyé. Je pense que le fantasme des personnes âgées, c'est d'essayer d'arrêter de se suriner dessus, de se chier dessus, quoi. Parce qu'ils aimeraient bien quand même pouvoir contrôler leur vessie, leur trou de balle. Ouais. Donc je pense que ça doit être leur fantasme numéro 1. D'accord. Spécialité de surène, il paraît. Non, il paraît qu'il y a le... En région parisienne, il y a une étude qui a été faite sur les sondages à l'IFEHIPOP. Et qui disent que dans les sondages, 54%. En banlieue parisienne, 54% des gens de la banlieue de Suresnes et Levallois ont le plus de fantasmes. Ah, ça, je sais pas. En scatologie, particulièrement. Je sais pas. Pipo. Alors, ça, c'est comme les vieux, en fait. Oh, Pinger, tu te la fermes un peu maintenant, merci. Gérard. Ouais. Sison, moi, non, mais attends, je vais demander à Pipo maintenant. Sison, tu t'es. Oui, chef. Oui, bah, c'est vrai que les personnes âgées peuvent avoir des fantasmes. Dans quel sens ? C'est quelque chose. Arrête de répéter ce que je dis. Dans quel sens ? Je pense que les vrais... Et Pipo, tu zappes. Et Pipo, tu dégages, hein. Hop, ça y est, hop. Ouais. Elle est lourde, Pipo. Ouais, bah attends, moi je t'emmerde, toi, Finger. Ça, c'est clair, elle est là. C'est Tony, elle est passée pour les autres. Tu fais chier, je voulais la faire, celle-là. Allô, Gérard ? Ouais, désolé. Hein ? Il y a Tony ici. Ouais, bah, je pense qu'on va... Non, mais je crois qu'on va arrêter. Et quel numéro je pourrais dire ou pas ? Non. Ah non. Il est pas là, Tony, Gérard. Non, c'est... Voilà, c'est... Mais non, il est en vacances. On a essayé de le joindre toute la semaine, il est pas là, Tony. Gérard, ouais. Moi, je connais une vieille dame, c'est ma voisine, elle s'est léchée par son chien. D'accord. Bon, faites-vous l'amour avec des peluches pour obtenir des fantasmes, on va demander. C'est pas fini, Gérard. Hein. Et moi, c'est qui ? J'ai même pas répondu à ta question. Mais merde ! Eh, Gérard. C'est qui ? Bah, c'est Pipo. Vas-y, termine. J'ai pas terminé. On l'avait pas dégagé, Pipo ? Attendez, Finger et Jean-Claire, vous allez fermer vos gueules ou sinon vous allez dégager tous les deux. C'est pas nous. C'est pas vous. C'est un mec qui passe sur tout le monde. Ben ouais, c'est ça. Bah oui. Bon, Gérard, je peux finir ma réponse ? Ouais. Donc, je te disais que les personnes âgées, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des fantasmes. Et le problème, c'est qu'il y a plus d'hommes qui ont plus de fantasmes que les femmes. C'est-à-dire ? C'est pas vrai. T'as des preuves ? Bah, j'ai des preuves. Oui, j'ai des preuves. J'ai lu des bouquins et j'ai vu que c'était c'était marqué dans les journaux. Ouais, mais c'est faux. C'est de la pub mensongère, ça. Non, je pense pas. Hein. Ah, d'accord. Ouais, qui c'est qui voulait rajouter un truc là, vite fait ? Non, c'est Susan, j'ai que c'est faux, hein, les femmes. Hein. Ils peuvent se toper comme tout le monde, hein, je veux dire. Ouais. Bon, moi je t'emmerde, alors toi problème. Le dopage n'a plus rien à voir dans les fantasmes, alors tu dégages pour toi. Quand même, pour les personnes âgées, ce serait un peu difficile. Hein. Oh, tout bah, ça, non. C'est l'OPO. Hein. Non, c'est le DPD. Je suis pas d'accord. Bon, alors le DPD, tu vas te faire dépuceler, Aya. Oh. Allez hop, tu dégages pour toi, c'est ce que c'est vulgaire, Gérard, ce soir. C'est vulgaire ce soir. Non mais je veux pas le savoir. Tiens, je veux pas le savoir. Ça commence déjà à bien faire. Alors faites-vous l'amour avec des peluches pour obtenir des fantasmes. Attendez, avant. Oui. Ouais, il y a Dieu Seigneur sur RC qui te demande si ton fantasme c'est faire l'amour dans un endroit insolite, une douche par exemple. J'ai jamais eu l'occasion de le faire sous une douche. Ça pourrait arriver peut-être un jour. Et pourquoi ? Non mais il n'y a pas des pourquoi, c'est tout. Pourquoi ? Il est allergique à l'eau. Mais merde, allez vous faire enculer, on Toi, tu as 7 ans qui commence avec tes pourquoi, on n'a dit pas de pourquoi, d'accord ? Ok. Il est allergique à l'eau. Ok. Toi, tu vas te calmer. Pas d'enculé, machin. Alors, déjà, tu as commandé tu vas faire une chose. Tu vas commencer à me calmer. Jean-Claire et Finger, ok ? Parce que ça vient de là, le bordel. Et avec quoi derrière ? Ok. Alors faites-vous l'amour avec des peluches pour obtenir des fantasmes. On va demander à Clito. Oui, non, franchement, là, Gérard, non, je ne fais pas l'amour avec des peluches. Par contre, des objets en plastique, oui, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, mais t'as quand même des peluches, des j'ai des peluches, effectivement, mais il n'y a pas de morceaux, il n'y a pas de bout de plastique sur mes peluches, donc mangez vite, quoi. Ça gratte, c'est pas agréable. Non, mais t'as quand même, il y a d'autres moyens que de prendre des trucs en plastique. Lesquels? Bah, des cotons-tiges. Bah, dis-moi. Lesquels? Alors là. Oh là. Dehors. Oh là là. Dehors. C'est pas mal, les Manu, gens, Manu, tu fais ton boulot, tu me le dégages, celui-là, c'est tout. Ouais, c'est Ernest. Bon, pour revenir au débat, Gérard, sur IRC, il y a Actarus qui demande si ton fantasme, ce serait de faire l'amour avec une femme. Bah, de manière comme j'en ai déjà une, oui. Non, une vraie. Non, mais c'est ta femme ou c'est une autre femme? Non, c'est la mienne. D'accord. Donc, et c'est avec elle que tu veux faire un fantasme? Bah oui. D'accord. Voilà. Merci, Gérard. Donc, Susan. Oui, alors moi, je préfère en fait m'enfoncer un god et là les fantasmes arrivent au fur et à mesure que je m'enfonce plus profondément. Bon, alors attends, Susan. Manu, oui, tu fais gaffe parce qu'il y en a un qui commence à me gonfler là. Je ne sais pas lequel des deux, entre Jean-Claire et Finger, lequel qui s'amuse à ronfler. À mon avis, c'est Pipo. Non, pourquoi? C'est pas un mec, c'est. Justement, c'était un ronflement de nana. Non. Attends, déjà, quand tu peux... Je m'y connais. Ah, ouais, ça, c'est Pipo. Oui, c'est ça, c'est Pipo. Bah, ça m'étonnerait. Alors, dis pas de conneries, parce que peut-être là, je vais te mettre une baffe. Ah, pourquoi? Hein, parce que c'est Finger et Jean-Pierre. Non, okay. C'est pas nous. Ok. Non, c'est jamais vous. Oh, mais... Oh, c'est les autres. Tu dis, c'est un mec qui passe sur nous. Ben oui, c'est ça. Alors, suivons. Oui, je répète. Alors, je disais que... bah, moi, j'aimais bien m'enfoncer un god, comme ça, avec... Quoi, alors oh là là, mais oh Manu, oh moi. Y'a quoi? Ouais, tu l'as... Allô? Non, mais là, y'a plus personne. Olivier, mais... des doubles sons, s'il te plaît. Y'a pas de doubles sons, ils sont là. Ouais, bah... Bah, repouge, pas... Allô? Alors, Susan, allô pour finir. Là, à l'huile. Susan. Oui. Susan, pour continuer, parce que là, je pense que je vais pas continuer longtemps. Ouais, non, je disais que les peluches, tu vois, c'est pas trop mon truc. Je préfère plutôt les fibros, etc., ça m'aide à avoir des fantasmes. Là, je crois qu'il y a un léger problème, on n'entend personne. Problème, Gérard. Moi, j'entends très bien, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah, je m'écoute, au but sec. Mais non. Ah, Olivier! Il est où, Olivier? Ouais, c'est terminé, non, t'as rien fait, connard. Calme-toi, j'ai rien fait. Non, tu fais jamais rien. Tu fais jamais rien. Bon, Gérard, pour revenir au débat, Gérard, tu m'écoutes? C'est qui? C'est Rigo. Regarde, je suis juste là. Il y a Daube qui demande sur l'IRC, pour une fois qu'il dit quelque chose de pas trop mal, il demande si ton fantasme, c'est de t'auto-sucer. Non, il est pas assez souple. C'est pas un fantasme, il l'a déjà fait. Bon alors toi, tu dégages. Avec une paille. Bon, allez. Je sais pas d'où ça vient. Hein. Non, mais moi, je veux pas le savoir, tu dégages Jean-Claire et Finger, terminé pour eux. Allez hop, okay. Basta. Bon, on en a à quelle question, GG? Alors donc, qui c'est qui a pas répondu là-dedans? Pipo. Bah, il y a quel numéro? Bon, Pipo répond. D'où tu te sors le quel numéro? Quel numéro? Tu te sors celui-là? Bah, je l'ai annoncé au début si t'avais écouté, mais. Non, j'ai personne là. Bah, faut le noter. Eh ben, il faut le noter, Gérard. Ouais, bah, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Donc, tu peux me répéter la question pour une dernière fois? Oh là là. Faites-vous l'amour avec des peluches pour obtenir des fantasmes. Celui qui bouffe, arrête de bouffer, c'est loin, plein merci. C'est Pipo, ça. Bah, non, c'est pas Pipo. Elle doit pas arrêter de bouffer. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'essayer. D'accord. Alors donc, quel numéro? Un amour avec des peluches, plutôt avec des greluches, comme toi d'ailleurs. Mais pourquoi? Je t'emmerde. Alors tu dégages. Bonne nuit à toi. Allez hop, tu me le descends. Dans quel sens? Allez hop. Terminé pour lui. Alors, regarde. En face du micro, mon chéri. Regardez-vous des cassettes, des films sur des fantasmes. Bon, si ça te plaît pas, tu rentres chez toi, d'accord? J'ai rien dit. Hein? Alors regardez-vous. Sur cassette vidéo, des films. Sur des fantasmes. C'est voilà. C'est Pipo, je peux répondre? Ouais. Oui. Donc, moi je regarde. Enfin, je regarde pas les films porno quand même, mais je sais que mon copain, il en regarde. Ouh là là! D'accord. Et il regarde quel genre de film, ton copain? Bah, des films porno. Porno ou érotique? Ah ouais, Gérard, c'est bon ça? Enfin, porno érotique. Et qu'est-ce que c'est un film porno pour toi, Pipo? C'est des personnes qui peuvent faire l'amour soit à deux, soit à plusieurs. Avec des animaux. Comment? En vrai? Ah bah oui, en vrai. Et tu vois tout? Ah bah bien sûr, on voit tout, mais je pense que dans les films porno, on voit plus les mecs les nanas à poil que les mecs à poil. Et toi, tu regardes avec lui? Bah non, moi je vais me coucher, moi. Et il se touche quand il regarde? Comment? Il se touche quand il regarde? Non, pas du tout, moi. Mais après, quand il va au lit, il te touche? Bah après, oui, on fait goulou-goulou. Ça me rappelle quelque chose. Qui c'est? Et qui c'est qui a répondu en même temps que Pipo? Personne. C'est Bimbo. Non, c'est bizarre. C'est pas Susan? Si, il me semble. Ah non. Alors Susan, toi? Alors moi, c'est que les films porno, c'est ça? Attends. De quoi? Non mais vas-y. On récupère qui alors? On récupère Bombin à la place de Jean-Claire et Agnès à la place de Finger. Bombin et Agnès. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Bombin. Bonsoir Paris, bonsoir Laurent Doré. Bon, Susan. Bonsoir Bombin et bonsoir Agnès. Oui, bonsoir, c'est Agnès. Ouais, Agnès pour un. Eh hey, oh, vous calmez là. Bonsoir, vous calmez. Agnès. Oh, tu te calmes, Agnès. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Ah bah tu commences à te calmer. Oui. Susan. Oui, c'est moi. Alors, pour toi? Oui, c'était quoi déjà la question, s'il te plaît? Regardez-vous sur cassette vidéo des films sur des fantasmes? Alors, moi je regarde des films sur des fantasmes, je crois que ça n'existe pas. Et les films porno et les films érotiques, ouais, moi j'aime bien regarder les films porno avec ma copine à côté de moi et après on pêche. Lito? Oui. Moi c'est un peu comme ma camarade, mais sauf que je me touche après avec mon mec, quoi. D'accord. Bombin? Bon ben, moi je regarde La Doctoresse est une cochonne. Tu peux me dire à quelle heure que ça passe? Ah ça? Non, mais ça c'est des films que j'ai achetés, quoi. Et bon, à minuit bien. Tous les samedis. Bon ben, j'aime bien, quoi. Et c'est bon, voilà, j'aime bien, ouais. D'accord. Il y a Émeric, excuse-moi Gégé, il y a Émeric sur le Minitel qui a 19 ans du département 91 qui dit: moi j'ai un super film porno, c'est ma grosse peluche, s'appelle Gégé. Tout à fait. Je sais pas s'il est bien celui-là. Je ne vais pas le dire. Alors, Bombin, c'est toi qui viens de répondre à un sens, je voulais pas le dire. Pas du tout. Non, presque pas. Ah non, mais attends, tu reconnais pas la voix? Donc c'est Agnès. Ah non, j'ai rien dit. Pas Agnès. Ah non, j'ai rien dit. Ah bah tiens, tu vas répondre à la question. Bah ouais, moi je regarde, tu parlais tout à l'heure, je regarde des films de cul avec des peluches et des vieux qui éclatent la rondelle et qui se ramonnent l'usine à Suchard. Et moi je te conseille, ouvre la fenêtre que je te mette et change de trousse à fume. D'accord, alors moi tu sais ce que je vais te dire? Tu sais ce que je vais te dire, Agnès? Oui, je t'écoute. C'est que je vais te souhaiter une bonne nuit, puis tu vas aller te branler tout seul dans ton lit. Pourquoi? C'est tes conneries comme ça pour répondre. Non, c'est, pas des c'est la question, Gérard. Hein. Non, mais attends, il répond. À côté des blagues. Je n'ai pas droit à la différence. Non, t'as pas le droit à la différence. C'est honteux. A tout de suite, Agnès. Voilà. A tout de suite, mon amour. Ah bah alors, Agnès et Bombin, bah bonne nuit pour vous deux. Allez vous branler tous les deux. J'ai rien dit. Voilà. Gérard? Bon, Gérard, il y a une fille qui t'appelle. Oui. Gérard, c'est 6 ans. Est-ce que toi, tu regardes des films porno? Ça m'arrive de temps en temps, oui. Sur quelle chaîne tu touches? Sur quelle chaîne? Je précise pas les chaînes. Et tu fais quoi après? Bah après, Après, je vais faire goulou-goulou avec... Ah ouais, il faudrait qu'il y ait des filles qui viennent à la radio pour Gérard, ça serait bien, là, pour de vrai. Ouais. Mais Gérard? Ah ouais, des Gérard. Filles, là, qu'elles viennent, là. Gérard? Ouais. C'est Bombin, Manu m'a dit de me calmer, c'est bon, je suis calme. Hein. Ouais, ben... Voilà. Agnès, tu calmes aussi, hein. Ouais, ben, faudrait... Peut-être... qu'est-ce que... Non. On s'en va comme disque? Hein? Gérard? Oui, tu veux... Bon. Hein? Pourquoi tu regardes les filles sur nous? Gérard. Bon, toi, tu dégages parce que tu commences à me les gonfler. Gérard, pour parler des films X, on me dit que sur Internet, il y a une séquence vidéo qui a apparemment été filmée de votre fenêtre où on vous voit tous les deux, toi avec Sandy, et que ça fait fantasmer pas mal de gens. Ah bon, bah c'est bien parce que pour l'instant, les fenêtres sont fermées de la maison, donc je vois pas comment ça s'appelle Gorille dans la brume. Ouais, bah Gorille dans la brume, alors bon, bah tu dégages, bonne nuit. C'est pas moi, voilà. Non, non, c'est pas toi, je viens de reconnaître ta voix, c'est pas toi. Abruti de service, abruti, va. La brume. Bon, oui. Pourquoi tu regardes les films porno? Qui encore qui pose ça? Je viens là. C'est qui? Non, mais écoutez un peu. Répondu, merde. Écoutez un peu les auditeurs quand ils répondent. Pourquoi? J'ai pas dit ce que tu regardes, j'ai dit pourquoi. Ben, parce qu'il y a rien d'autre la nuit à regarder à la télé, c'est soi-disant, voilà. arrête, menteur, va. Mais après, c'est goulou-goulou avec qui je sais. Mais pourquoi? Bon, toi, tu me fais chier avec quel pourquoi? Tu fais goulou-goulou dans quel sens? Je te mets une barre. Bah, je me renseigne, c'est tout. Non, je te mets une barre. Tout à l'heure, tu vas te renseigner, je vais te mettre éducomment avec une barre. D'accord? Oh, l'auditeur! Alors, c'est Pipo, ça s'arrête pas de bouffer. Non, c'est pas elle. D'accord, parce que pour l'instant, on ne l'entend pas. Ouais. Alors, c'est quoi le disque? La question de suivante, c'est quoi l'annonce? Alors, les femmes sont-elles fantasmées par les hommes au minimum? Devant le micro, c'est encore mieux. Quoi? Qu'on n'est pas devant le micro? Les femmes sont-elles fantasmées par les formes en uniforme et on s'écoute? Tiens, on écoute ça. C'est génial. Alors, on va s'écouter. J'espère que c'est... Alors, c'est... This match in en pink beak. Je sais pas pourquoi. Soit les Smashing Pumpkins. Et le titre, c'est... Boulette. Ouais, bah, annonce-le. Bah, fais-le, toi, Gérard. C'est quand même ton émission. Ouais, quand même, alors, voilà. C'est juste en dessous le groupe. Hein. Alors, c'est Bully Witch, Butterly Wind. Et bah alors, tu vois, tu parles anglais. Voilà. Et voilà, 3h50, toujours sur Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. Et toujours le 3615, Code Fun Radio, rubrique direct et sur l'IRC. On va se lier Kogap, Télé, Dieu Seigneur, Dob et Argent, Tien et Tom J. Et vous pouvez toujours continuer sur... L'IRC, Rigo vous attend. Ouais, et donc on va récupérer donc Pipo. Salut. Re-salut. Susan, pardon. Salut. Lito. Salut Gérard. Bon ben. Oui, bonsoir Paris, bonsoir Lolo. Et Agnès. Salut, salut toi. Alors, bon, vous commencez pas tous les deux parce que sinon on va pas pouvoir continuer comme ça. Ah non, on est cool, on n'est pas comme les deux. Ok, autres ta groupes, question, s'il te plaît. Alors, donc, je pense que je l'avais posé avant. C'est une chaude, hein. T'as vu, une belle voix, hein. Ouais, les femmes sont-elles attirées par les hommes en uniforme? On va demander à Agnès. Uniforme de quoi? Pompier, militaire, flic, n'importe quoi. À ton avis, c'est un moi, uniforme. Moi, j'ai pas mal de copines qui fantasent sur les uniformes des boueurs. Et puis sinon, ouais, éboueur, balayeur, cantonnier, tout ça, il paraît que ça marche bien, quoi. Ah, d'accord. Alors, Lyon, avec ça, ta copine, elle va te servir, hein. Non, c'est ma copine, j'ai dit tes copines, t'es gentil. Ah, d'accord. Bombin. Ouais, moi, je fantasme beaucoup sur les réparateurs d'ascenseurs qui ont une belle clé à molette et une belle paire de fesses. Attends, je vois pas du tout le rapport. Bah, il est en uniforme, hein, en bleu de travail. Non, mais attends, je te demande si c'est les femmes. Parler des mecs. J'ai des ex et tout ça, ouais. Franchement, kiffe bien sur les militaires et tout. Oh là là. Bon, tu comprends rien du tout, toi. Non, je crois que tu comprends pas les questions. Hein. Gérard, c'est Agnès qui dit quelque chose. Agnès. Gérard, c'est Agnès qui dit quelque chose. Moi, je fantasme aussi pas mal sur, oui, je suis là. Les déguisements de Bombin de Calimero. Bon, alors, Bombin et Agnès, tous les deux. Bombin et Agnès, vous avez... Merde, on m'appelle. Eh ben, vous allez régler vos comptes tous les deux. Vous allez régler vos comptes. Oui, c'est moi. Ouais. Comment vas-tu? Essayez d'être un tout petit peu plus audible, parce que là, en plus, on a une auditrice, Max est revenu donc là pour gérer la fin, sur le Minitel, Cathy, qui a 21 ans et qui se plaint de l'émission de ce soir en se demandant comment ça se fait qu'il n'y a pas l'animateur d'hier soir, que ce soir, il n'y a que des Goliots. Donc, c'est pas bien parce que Cathy, tu vois, prenait plaisir à écouter avant Mickaël. Et là, depuis qu'on a voulu prendre d'assaut la radio, bah, du coup, là, on s'en prend plein la gueule de partout. Ah bah, pourtant. Pauvre Gérard, pauvre toute l'équipe, parce que là, on est. Ouais, mais vous nous avez trop manqué là. C'est quoi, là, Duro, il a fait le con là. Non, c'est moi. Non, qui décide. C'est pas Duro. On est contre le mur là. Maintenant, on a Cathy qui se met contre nous. On a enfin quelqu'un qui est contre nous. Oh non, pas Cathy. Non, merde. Cathy, tu déconnes. Ah, tu déconnes. Ouais. Bon, Cathy, s'il te plaît, tu retires ce que t'as dit. Merci. Donc, on va demander à Lito. Ouais. Lito. Moi, en fait, je fantasme uniforme ou pas. De toute façon, je fantasme sur les mecs. De toute façon, pour moi, le. Eh ben, tu viens. Tu viens à la radio. Tu vas voir le. Non, mais tous. Tu vas voir toute la Dream Tease en partant. Dessous. La Dream Tease. La charmante fille d'art. Voilà. Tu vas voir Feuille de Chou. Après, ouais. Tu vas voir Rigo qui s'occupe du. L'IRC. T'as Manu qui est au standard. T'as Olivier de la Pro. T'as... Qui est parti sans dire au revoir d'ailleurs. On le remercie au passage. C'est sympa lui, mais c'est une manière. C'est pas grave, c'est un plat qui va se manger, je crois, ce petit abruti. Oh là. Et puis qui c'est que j'ai oublié? Bah, bien sûr, Max. Non. On regarde toujours le meilleur pour la fin. Hein. Bah, non, qui c'est qu'on a oublié? On a oublié la grosse quand même. Mais si, tu veux pas dire... Ah, mais on a oublié Pipo. Caramel. Non, caramel, ça n'existe pas. Enfin bref, quoi, si... Allez, des mecs qui veulent venir pour Manu ou Phil Dard, bah vous venez. Puis s'il y a des nanas pour Hugo et moi, vous venez aussi. Voilà. Et moi, c'est bien, moi, j'ai déjà ma chaussure en mon pied. Si tu veux venir, qui c'est qui veut venir à la radio? Moi, Carambar. Viens, je te bouffe. Ouais, Carambar. Ah bah alors, tiens, Carambar. Eh ben, tu viens, je te bouffe le chat. C'est mon grossier là, hein. Non, arrête. Suzon. Oui. Donc toi. Alors moi j'aime bien les mecs en uniforme avec Poetic Lover, Ricky Martin. Non mais attends, Suzon. Suzon. Oui. Et je vais te dire une chose, que là t'es carrément à côté de la plaque. Ah non. Ah, il y a du double son là. Ouais, j'ai l'impression. Non, il a rien. Olivier, il est parti. Ah, j'ai rien, non, c'est moi. Donc Pipo. Oui, moi je suis attirée par les hommes en uniforme, en militaire. En uniforme d'alien. À chaque fois que je vois un homme habillé en militaire, ça me fait fantasmer. T'as envie de chiquer? Alors moi je peux vous dire. Non, je peux vous dire une chose, et ça personne ne pourra me bien mentir. Tu recommences encore une seule fois, je te mets ma main dans ta gueule. Tu vois que c'est pas moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai... Excusez-nous, c'était Manu qui s'amusait à faire le double son lui-même avec sa propre voix, quoi. Manu. D'accord. Voilà. Oui. Alors donc, Olivier serait pas parti avec un costume de militaire? Non, il est parti avec son copain, il est rentré, il était fatigué. Mais il y a toujours Fuldar qui vous attend, hein. Non mais charmante fille d'art. Pipo, elle aime les costumes de militaire, c'est ça? Ouais. Je suis attirée par les hommes habillés en militaire. Ouais, c'est parce que les chèvres, elles aiment bien se faire tirer par les légionnaires. Alors celui qui s'amuse à dire ça, c'est Paul. Ah bah arrête de dire des conneries, hein. Ou alors tu vas te coucher. Bon, alors moi je peux vous dire une chose, qu'un truc que j'aime bien. C'est... Un content dans son cul. Bon alors, là tu sais qui a dit ça, oh là là. Bon, et Agnès, bonne nuit pour eux. Ah, non, là, non, je veux pas savoir, terminé pour vous deux. Terminé, c'est bon. Bon bah... Téléphone. Ah, hello. Hello. Hello. Non mais Ah bébé. Non, c'est un souvenir d'été. Donc, pour répondre à... Eh ben, il reste plus que Clito, Suzon et Pipo. Oui, donc bah, moi... Quoi, Agnès, non, j'ai dit Agnès que tu dégageais. Agnès, elle est censée avoir raccroché déjà dans sa voiture pour venir à la radio. Ah oui, c'est vrai, merde. Alors donc, je peux vous dire une chose que c'est pas pour faire contredire. Ah, c'est que le seul truc que j'aime bien, et ça, avec Max. Ça, c'est vrai. Avec Max, il y a un truc qu'on adore. Non, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on adore, c'est le sirop grenadine. Il y a ça, mais. Et la Dream Tease. Non, mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que. Écoutez bien. On parle des militaires et puis tout ça, des gendarmes et puis tout ça. Écoutez bien. Mais ceux qu'on oublie le plus, et qui nous rendent le plus. Parle de culi. Il y en a beaucoup qui nous rendent des services dans les avions, c'est les hôtesses de l'air. Ah oui. Ça, on va pouvoir venir là-dessus. Et celui qui s'amuse à siffler tout à l'heure, il va se prendre une claque. Ça va aller vite. Arrêtez. Bon, allez. Oh, Manu. Manu, tu arrêtes. Je sais pas lequel c'est, il passe sur tout le monde. N'est-ce pas, Pipo, je pense que tu peux pas. Ah, Pipo, il a raccroché. Allô, Pipo? Ah non, j'ai raccroché à Pipo. Oh, bah, ouais. Pourquoi t'as raccroché à Pipo? Ouais, parce qu'elle me saoulait. Attends, toi, attends. Hey, t'as jamais pris ma main dans ta gueule, toi? Non, pas encore. Non, mais tu as. Attends, mais Pipo, c'était Sandy. Oh là là là là. J'avais pas vu, j'avais pas vu. Ah, t'es à côté de la plaque, ouais. Ah, elle est là. Ouais. Ouais. Alors, toi, quoi, qu'est-ce qui se passe? Toi, mon petit gars. Gérard, là, c'est les gendarmettes. Hein. Bah, j'arrive pas d'heure et de retour. Et qu'on comprend pas ce que tu dis. Allez, on va terminer. À partir de quel âge peut-on avoir des fantasmes? Alors, c'est des jeux qui sont autorisés pour les enfants de 7 à 77 ans. Hein? C'est des jeux qui sont autorisés pour des enfants de 7 ans à 77 ans. D'accord. Tu crois que les personnes âgées ont des fantasmes? Bah oui, on en a parlé tout à l'heure. Bah ouais, pourquoi pas? C'est qu'elle voulait arrêter de se chier dessus et tout. Bon, ça suffit. On va faire la dernière question, okay. GG. Ensuite, on va couper court parce qu'on avait dit qu'on ferait que 5 minutes et ça fait 3 heures qu'on fait de la radio. Excuse-moi, Gérard. Gérard, il est pas payé là, alors calme. Attends, toi, je t'emmerde. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est Pierre. Eh ben alors, Pierre, tu dégages. Ouais, parce que là, je te signale qu'avant le débat, tu le savais peut-être pas, mais je vais le dire, tant pis, je prends le risque. Je voulais, hein. Dénonce. Et on l'a payé parce qu'on lui a offert le McDo. Voilà. Oh, c'est scandaleux, c'est un pot de vin, ça. Non, c'était un pot de bière et c'est le s'appelle Gérard. Gérard, ouais. C'est le seul mec quand il va au McDo, il demande un menu bière. Et Sandy, c'est la seule nana. Tout le monde demande un menu Big Mac, un menu machin, il demande un menu bière. Bon, ben, je pense que là. On va faire la dernière question, la 17ème, la dernière. Attends, Manu, on va dire quelque chose. Je veux dire qu'à la place de Bombin, on accueille Allez Hop. Allez Hop. Allez hop, tu l'as repris, tu y as dit au lieu de... Ouais. Bonsoir Paris, bonsoir. Pas ton micro si ça ne te dérange pas, Gérard. Salut Manu, oui. Au lieu de dire qu'on reprenait quelqu'un du standard, non, t'as repris Bombin, tu y as dit, on change de nom. Ah non, c'est lui qui m'a dit, je veux m'appeler Allez Hop. Allez Hop, il va faire vite. Bon, alors les enfants, on va essayer de se concentrer, auditeurs, sérieusement, auditrices, et puis ceux qui nous écoutent, à 4h du matin, très rapidement sur Fun, la dernière question du débat sur les fantasmes, écoutez bien. Peut-on créer une école pas devant ton micro, putain. Ça fait 3 ans. Peut-on créer une école de fantasmes? Si oui. Que doit-on apprendre? Arrêtez, attendez. Gérard est en train de taper sur Manu. On termine calmement. Alors, qui veut répondre en premier? Alors, on va demander. Bon, alors, puisque personne ne veut le faire, à qui on va obliger? Voilà, je veux bien répondre. Allez hop! Allez hop, tu vas aller te coucher. Mais il est là, Clito. J'ai pas entendu. Non, mais c'est pas grave. Mais non, tu gueulais. Attends, moi, si t'es pas content, tu dégages. Mais c'est pas méchant. Non, mais moi, je te le dis tout de suite. Ne t'énerve pas. Clito. Oui. Alors toi? Moi, je pense que oui, il faudrait créer des écoles de fantasmes. Ah, d'accord. Où, entre autres, on enseignerait la gorge profonde, qui est un exercice... il faut beaucoup d'entraînement pour réaliser ça. Ouais. Bien t'enfoncer le gland dans la gorge, c'est quand même assez, assez dur. Et puis surtout, apprendre aux filles à se couper les ongles quand elles se mettent des doigts et quand elles mettent des doigts à leurs copains, parce que ça fait plutôt mal. Ah oh ouais, je confirme. Je pense que c'est le B.A.B.A., la gorge profonde et les ongles coupés. Je confirme. Non mais ça, ça répond à la question qui serait, est-ce que c'est bien de... Est-ce que c'est bien pour vous, à votre avis, de créer une école de fantasmes? Et si oui, quelle matière ou quel genre, qu'est-ce qu'on devrait enseigner? Que doit-on apprendre? Mais pourquoi? Alors matière pipe, matière... Attendez, parce que là, tu commences à me les gonfler avec moi. Je m'en renseigne, ça m'intéresse. Non mais toi, tu vas te démerder avec ton bébé rose, ok? Et maintenant, tu vas m'éteindre ton micro, je ne veux plus t'entendre, ok? D'accord. Et tu l'éteins. Alors vas-y, on termine. Alors vite, la dernière, donc... Suçon. Oui, alors je disais matière pipe. Ouais. Il faudrait des matières cunis, matière chose, position. Coton-tige. Matière préliminaire, ça c'est super intéressant. Alors tu me dégages le mec. C'est important surtout. Tu démerdes, Pipo. Non, tu dégages le mec qui s'amuse à la mettre. Il a zappé Pipo. Ok, ça y est, j'ai dégagé Pipo. Oh là là là là là. Gérard. Plus que ça, un mec. Il s'amuse à dire des conneries depuis tout à l'heure. Pipo, c'est masculin, ça peut prêter à confusion. Hein. Ouais, alors qu'Agnès, c'est bien féminin. C'est ça, le même masseur dans un culot. Alors, Pipo. Oui, Pipo. Donc, on doit... oui, c'est vrai qu'on devrait. Une école de... sur les. Pourquoi? Bah, parce qu'on a bien créé l'école contre les cons. Alors, ouais, mais comment? De quoi? Comment on pourrait la... Bah c'est là qu'elle a rencontré Gérard. C'est à l'école, là, c'est pas à l'école des cons, non? Non, c'est à l'école des contes de fées aussi. Hein. C'était pas l'école des cons. Non, mais moi, je peux vous dire une chose. C'est des beaux, c'est des... Attendez. Stop, on se calme, là, il y a une question IRC. Ah, il y a une question sur l'IRC, c'est Ellie qui te demande si tu étais à l'école des fantasmes, si tu étais prof, qu'est-ce que tu enseignerais? Pardon. Alors, ce que j'enseignerais déjà, pour commencer, c'est de... Devant ton micro. À part la normale, hein, Gérard. Alors, qu'est-ce que... D'abord, est-ce que tu es pour le fait de monter des écoles de fantasmes? Est-ce que tu penses que ça peut être utile? Ah oui, pour les jeunes. Ah, pour les jeunes. À partir de quel âge on pourrait avoir accès à cette école et jusqu'à quel âge? 32 ans. 4 ans. Déjà, tu vas. Non, mais vas-y, réponds à la question. Ils sont là, c'est un débat. Donc tout le monde est sur un tour de table. C'est le sort du ciel. C'est du chemin. On va commencer par. Dès l'âge de 14 ans. 14 ans jusqu'à quel âge à peu près? 14 ans. 14 jusqu'à. 70? 40, 30 ans? 30 ans. 14 à 30 ans, d'accord. Passé 30 ans, on peut plus apprendre des fantasmes. Avant 14, on n'est pas assez, comment dire... En parlant de mur, t'en as 2-3 qui sont en train de mûrir sur ton visage, Gérard. Un qui est gros sur la tempe. Il en a un énorme qui est sur la tempe. Sur la tempe gauche, quand ça va exploser, ça va faire mal. Deuxième question, donc, quels sont effectivement le genre de matières que tu penses intéressantes et que toi, tu pourrais, par exemple, enseigner? Est-ce que tu te sens apte à pouvoir... Non, personnellement non. D'accord. Gérard, il pourrait donner des cours de libido. De pipe aussi. De libido, hein, Gérard, un petit cours de libido. Pipo miel, de pipo champagne. Ouais, pipo champagne, alors pipo champagne, tu vois, ta connerie. Ah, c'est bon, hein. Tu vois, moi je préfère boire le champagne sans pipo. Non, sans pipe. Non, sans pipo. Comme tu viens de dire pipo non, champagne. Pipe. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il serait. Champagne. Non, le mieux c'est de. Que chacun essaye de trouver. Sa propre école. Sa propre école. Comment lui-même. On ferait alors hein. Même à la rigueur de demander conseil à ses parents. C'est tout. GG. Ouais. GG, c'est Agnès. Est-ce que tu pourrais m'apprendre la position de la benne à ordures? La position de la benne à ordures, tu vois, Agnès, tu vas faire ta conclusion. C'est un classique, ça. Alors explique-moi tout ça. Non, tu fais ta conclusion. Et pourquoi tu prends un amas, tu lui ouvres le vide d'ordures et hop. Non, mais tu vois, c'est pas la conclusion. Alors la conclusion sur le débat, je pense que. Effectivement, les animaux. Agnès, conclusion du débat. Ben, tu m'écoutes, oui. Je pense qu'effectivement, les animaux dopés ont des fantasmes. Je pense que Gérard, t'en es la preuve vivante. Alors, Agnès, bonne nuit, ta conclusion. Avec mon familier domestique. Et j'espère qu'on te. Voilà, merci. Ah, c'est l'OPO. Hein. Alors. Alors, Lito. Clito. Ouais, Clito. Clito. Oh, Clito, tu dois venir à la radio. Conclusion du débat. Clito. Oui, moi je pensais en Clito. Fait. Clito. Oui. C'est beau faire. Moi je pensais que j'allais être toute chaude, tout émoustillée par ta voix, parlant de santé fantasme et parlant de cul. Et je pense que je vais finir toute seule quoi. Bah tu viens à la radio, il y a Max qui t'a. Non mais ceci dit, Gérard, il est vrai que pendant un débat sur les fantasmes, c'est dommage que tu n'aies pas assez abordé tes fantasmes à toi. D'ailleurs, pour conclure, toi tu nous diras un petit peu quels sont les tiens ou des fantasmes que tu as déjà réalisés. Ah bah, alors, Suçon. Ouais, alors je disais que bon, sur. J'aime pas trop la pipe. Hein. Dans quel sens tu les cigares ou d'une montre, voilà. Ouais, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'accord. Voilà, mais par contre j'aimerais bien te piper, Gérard. Ah non, tu vois, j'ai déjà quelqu'un qui s'occupe de ça. Ouais, mais à deux c'est mieux. Ah non, mais tu vois, j'ai déjà une personne qui s'en occupe. Non, mais il faudrait que tu goûtes d'abord. Non, mais moi je te dis une chose, il y en a déjà une qui s'occupe de ça. Non, mais voilà. Pipo, partage. Ouais. Non, mais attends, toi tu vas partager tout à l'heure, tu vas partager mon 43 dans tes fesses, tu vas voir, tu vas rentrer à Suresnes à pied. Tu vas rentrer à Suresnes à 4 pieds. Et allez hop, conclusion. Conclusion, qui c'est qui doit encore conclure? Allez hop, je croyais qu'il était déjà parti. Bon, de toute façon, au point où on en est, tu peux m'appeler Carambar, donc c'est pas grave. Ah bah voilà, je m'en bats les couilles. Ah, on s'en doute. Ouais, tu peux donc, m'appeler Carambar aussi. Hein. Allez, vite. Donc, moi, mon seul et unique fantasme, bon, c'est avec toi et Sandy, et si ça se produit, j'aurai l'impression de coucher avec Jabba et le Wookie de la carte. Allez hop, tu vas dégager Carambar. Et attends, j'ai mal entendu, Suçon, c'était qui? Carole. Ah, Suçon. Non, c'était une dénommée Carole. Et donc, qui c'est qui nous reste à faire conclusion? La Pipo. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir des fantasmes et puis faut essayer. Il faut essayer de chercher les fantasmes des autres. Le fantasme des autres? Oui, quels pourraient être les fantasmes des autres personnes? Alors, pourquoi le fantasme le plus dur? Arrêtez un peu! Arrête! Oh là là, il arrête pas, Manu, arrête! Non, fais gaffe, Manu, parce que tout à l'heure, je vais te la mettre! Attends, j'arrête pas de prouter, c'est pas bon ça! Je disais quoi? Oh, je sais plus, c'était pas très intéressant! Non, c'est ta conclusion? Conclusion, tes fantasmes d'abord, est-ce que t'en as un ou est-ce qu'il y en a déjà un que t'as réalisé? Et si oui, lequel? Alors, celui. Sinon, pourquoi? Celui que j'ai pas encore réalisé, c'est de le faire dans un avion. Mm-hmm. Ta gueule, toi, va te faire. Voilà, changer. Exactement, bien répondu. Toi, tu vas aller voir ton bébé Rose, tu vas lui demander dans quel sens qu'à. Ouais, tu vas lui demander. Pourquoi pas le faire dans le salon, tu prendrais ta copine dans le. Je sais pas, sur le canapé pendant la Formule 1. Non, parce qu'elle regarde les fourmis, puis elle aime pas trop les fourmis. Elle regarde les fourmis, elle aime pas trop les fourmis. Et quel est le genre de fantasme que tu as déjà réalisé? Si oui, pourquoi, sinon comment? Pour l'instant, j'ai réalisé aucun. Oh, arrêtez. Quel est le débat? Quel est le débat de fantasme en conclusion du site? Le débat? Oui. Quel est le rapport là? Non, mais quelle est la conclusion du débat? Conclusion du débat, c'est que on a eu trop de merde et pas assez de nanas qui ont participé au débat. Ouais, mais alors t'as eu un succès extraordinaire sur les garçons ce soir, puisque à peu près on vient d'avoir à l'instant l'info IFOP de sondage Médiamétrie, comme quoi tu aurais fait à peu près 77% effectivement sur les garçons ce soir. Ouais, je peux dire une chose, que c'était pas prévu. C'est que, n'empêche, il est... Tu as fait 20%, 21% sur les femmes, et 1% ne se prononce pas, et 2% sur non identifié. Donc, il faudrait demander à Cully et pour les size. Ça, on verra. On verra. On leur demandera peut-être. Merci GG. Bah, y a pas de quoi. Voilà, petite conclusion, un petit mot à passer, un petit bonjour à quelqu'un en particulier. Non, pas spécialement. Non. Si, un bonjour à. En fait, on nous écoute dans le monde entier. Tous ceux qui nous écoutent et puis tous ceux qui sont sur la route à l'heure actuelle. Voilà. Et soyez prudents. Et moi, je dirais qu'une chose. Je me joins, enfin, l'équipe va se joindre à moi quand même, hein, pour le dire. Dadaska, ça veut dire sans rancune en polonais. Hein. Dadaska. Dadaska. Dadaska. Voilà. Donc. 4h10 du matin, voilà. C'était les débats de Gérard, totalement imprévus sur la grille, on s'en excuse. Adieu Gérard. Au 24. Alors 24 quoi? Au 24 août. Ah, décembre, il y aura les cadeaux. On fêtera Noël ensemble, comme d'habitude. Hein, on fait ça généralement en famille, on restera en famille, nous on va rester soudés quand même. Hein. Bah ouais, sans problème. Voilà Gérard, bah, écoute, ça nous a fait plaisir. Bah moi aussi. Hein, profites-en bien, amuse-toi bien, va récupérer ta moitié qui doit être dans le bureau. Hein, parce, va venir. Hein, elle va venir et puis voilà. Deux tiers, ouais. Voilà. On remercie Manu, on remercie Filda, on remercie bien entendu Rigaud, on remercie Olivier de la Pro. Ah non, mais celui qui a le plus bossé. Eh ouais. Là, ouais, parce que celui qui bosse le plus chez Gérard pendant le débat, c'est celui qu'on entend le moins. Enfin, c'est obligatoirement celui qu'on entend le moins qui bosse le plus. Ouais, en gros, c'est celui qui lui a foutu la paix, donc c'est lui qui veut remercier. Quoi. Voilà, à part l'autre abruti qui a fait que des conneries, lui d'abord. Voilà, c'était n'importe quoi, faut donner les noms quand même, parce que c'est qu'on fait de la radio, hein, on fait pas de la télé, donc les gens ne voient pas. Quoi, voilà, donc c'était Manu, l'autre aussi c'était n'importe quoi. On aimerait aussi remercier quand même, et ça c'est important de le souligner. Les 3-4 centaines de milliers qui nous écoutent encore de l'autre côté de la radio, parce qu'on peut le dire, on a fait exploser le standard jusqu'à quasiment 3h30, ça c'est calpé, après c'est normal, c'est leur bâtarde, hein, en radio 3-4 heures, mais ça a bien fonctionné, il y a encore un petit peu de monde sur Minitel, à commencer par Angelica, donc fort sympathique, et puis les gens qui étaient sur le site internet, l'IRC, il y avait beaucoup de monde, et il y en a encore beaucoup. Beaucoup de monde, ouais, encore beaucoup de monde, gros tout tard. Il y a qui encore? Non, c'est tout, je suis vexé. D'accord, ok, très bien, voilà. Donc on termine là-dessus, il est 4h12, on va continuer avec, bien entendu, la programmation de Fun Radio, combien sympathique. Et puis, si Dieu veut, on se retrouve 24 à 6h du matin pour qu'on réveille la France entière avec une partie de l'équipe qui est là et puis une autre qui est de l'autre côté, qui est en vacances, qui se promène un petit peu à droite à gauche, vous qui nous écoutez, bien entendu, sur Fun Radio fidèle. Ne bougez pas, attention! Disco tout disco avec Whirlpool Productions sur Fun Radio qui avait été l'habitude de l'été quand on l'avait ramené l'Ibiza avec Ultra Naté. Ça nous fait toujours autant plaisir de vous l'offrir sur Fun Radio. Tout va bien. La nuit sans pub va continuer. Ça va être chaud les enfants au niveau du niveau.